إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد après qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ait facilité la complétion de l'explication de Cheikh Obed al-Jabiri hafidahullah ta'ala de l'excellente épître de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala qui a pour titre les six fondements. Donc après qu'Allah azza wa jal nous ait facilité de finir ce livre, eh bien on revient à la série de cours qu'on en avait ensemble le samedi soir en guise d'explication de l'excellent livre de Cheikh Al-Albani rahimahullah qui est Sifatu Salat al-Nabi alayhi salatu wassalam et qui est la description de la prière du prophète alayhi salatu wassalam comme si tu la voyais du takbir au teslim. Et ce livre qui est expliqué par le noble Cheikh Mohamed ben Omar Bazmoul hafidahullah ta'ala qui est un Cheikh contemporain qui est toujours vivant, qui est enseignant à la Mecque. Et on est arrivé dans son explication au chapitre, quand je dis au chapitre, c'est au pluriel, concernant l'arrestation du prophète, alayhi salatu wassalam, lors des différentes prières. Et on est arrivé dans l'étude, ou à l'étude de l'arrestation du prophète, alayhi salatu wassalam, lors de la prière nocturne. Hein? Et on avait vu tous les points, à part le dernier, qui était tiré de ce chapitre, et c'était le sixième point. On finit ce sixième point aujourd'hui, inshallah, et on rentre dans la suite du livre, c'est-à-dire dans les chapitres qui suivent. فيقول الشيخ محمد بن عمر بزمول حفظه الله تعالى المسألة السادسة هنا تضمنت هذه الأحاديث التي أوردها المصنف في هذا المقطع من هذا الفصل ذكر أسئلة ثلاثة سألها الرسول صلى الله عليه وسلم لربه فأجابه إلى اثنين منها ومنعه واحدة قال سألت ربي ألا يهلكنا بما أهلك به الأمم من قبلنا أي لا يهلكنا بسنة عامة فإن قوم نوح مثلا أهلكوا بالطوفان وقوم ثمود أهلكوا وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون سورة فصلت وهكذا الأمم التي قص الله لنا نهايتها فنقول الدعوة الأولى أن لا يهلك الله هذه الأمة بسنة عامة وقد أجاب الله إلا إلى هذا والدعوة الثانية أن لا يظهر علينا عدوا من غيرنا فأعطانيها أي أن لا يجعل عدوا متسلطا علينا بحيث تنمحي أمة الإسلام والحمد لله برغم كل التيارات والهجمات التي يهاجم بها المسلمون في كل زمان وفي كل عصر إلا أن كلمة الإسلام تبقى عالية وتبقى شخصية الإسلام ظاهرة واضحة وتدول الدولة مرة ثانية لأمة المسلمين وهذا تجدونه عبر العصور الإسلامية جميعها فما من عصر خفض فيه الإسلام في محل وإلا وقام من جهة أخرى. Le sixième point tiré de ce chapitre, et j'ai oublié de dater le cours d'aujourd'hui, on est le samedi, يوم السبت الثالث من شهر جمادى الأخير 1432 هجري, et on est donc le samedi 3 du mois de جمادى الأخير 1432, qui correspond au 7 mai 2011. Sixième point, tiré du chapitre concernant l'arrestation du prophète alayhi salatu wasalam dans la prière nocturne. Alaykoum salam wa rahmatullah. Il y a dans ces hadiths que l'auteur a rapporté dans cette partie du chapitre, il y a quoi ? La citation de trois questions, invocations, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a demandé à son Seigneur, qui en a exaucé deux et pas la troisième. Il dit, j'ai demandé à mon Seigneur qu'il ne détruise pas, qu'il ne nous détruise pas par ce avec quoi il a détruit les communautés avant nous. C'est-à-dire qu'il ne nous extermine pas, nous ne détruise pas par une calamité générale. Car le peuple de Nuh, alayhi salam, par exemple, le peuple de Noé, a été détruit par At-Tufan. C'est quoi At-Tufan ? C'est le déluge. Et Cheikh Bezmoul, hafidhahullah, il fait référence ici à ce qui a été rapporté par un verset du Coran sur le déluge qui a exterminé le peuple de Noé. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. Et en effet, nous avons envoyé Noé vers son peuple, il demeurera parmi eux mille ans, moins 50 années. Puis le déluge les emporta alors qu'ils étaient injustes. Et c'est la traduction du sens des versets 14, du verset 14 de Sourate Al-Ankabut, l'araignée. Shir continue en disant, tandis que le peuple de Thamoud, et quant aux Thamoud, nous les guidâmes, mais ils ont préféré l'aveuglement à la guider. C'est alors qu'ils furent saisis par la foudre du supplice le plus humiliant pour ce qu'ils avaient acquis. Sourate Fussilat, verset 17. Ainsi que les autres communautés dont Allah a raconté la fin. La première invocation, c'est-à-dire la première des trois invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a faites, eh bien c'est laquelle ? C'est qu'Allah n'extermine pas cette communauté par une calamité générale. Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé et a répondu à cette demande. La deuxième invocation, eh bien c'est quoi ? C'est qu'il ne rende pas victorieux sur nous un ennemi extérieur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit a'taniha, c'est-à-dire il me l'a donné, il a répondu à cette demande. C'est-à-dire qu'il fasse que l'on ne soit jamais dominé par un ennemi au point que la communauté de l'islam disparaisse. C'est ça qu'il faut comprendre ici. Louange à Allah, alhamdoulillah, malgré tous les courants et toutes les attaques dirigées contre les musulmans à chaque époque et à chaque siècle, eh bien la parole de l'islam reste haute. Et l'identité de l'islam reste apparente, claire. Et les musulmans ont une autre foi, leur nation. Vous trouverez que cela est vrai pour toutes les époques. Il n'y a pas un siècle sans que si un endroit l'islam baisse, il augmente à un autre. Et Allah n'a jamais rendu un ennemi dominant la communauté de l'islam à tel point que l'identité de l'islam disparaisse, ainsi que l'identité des musulmans. Et c'est jusqu'à ce jour. Malgré cette prédominance que vous pouvez voir des pays mécréants sur l'islam, وَلَمْ يُسَلِّطِ اللَّهُ عَدُوًا عَلَى أُمَّةِ الْإِسْلَامِ يُظْهِرُهُمْ عَلَيْهِمْ بِحَيْثُ تَخْتَفِي شَخْصِيَةُ الْإِسْلَامِ وَشَخْصِيَةُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا فَمَعَ الْهَيْمَنَةِ الَّتِي تَرَوْنَهَا فِي الدُّولِ الْكَافِرَةِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ إِلَّا أَنَّ هَذِهِ الْهَيْمَنَةَ الطَّاغِيَةَ الظَّالِمَةَ الْمُتَعَدِّيَةَ الْمُتَكَبِّرَةَ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَمْحُوَ شَخْصِيَةَ الْإِسْلَامِ بَلْ يسخرها الله سبحانه وتعالى لخدمة الإسلام والمسلمين. وأما الدعوة الثالثة فهي دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يلبس المسلمين شيعا لا يجعل بينهم مناصرات وعداءات هؤلاء مع هؤلاء وهؤلاء ضد هؤلاء وهؤلاء يعادون هؤلاء فلم يعطيه إياها الله سبحانه وتعالى وذلك لحكمة ربانية لا نعلمها وما لنا إلا التسليم لقضاء الله وقدره مع الرضا واليقين بأنها من حكمته سبحانه وتعالى ومن علمه سبحانه وتعالى ومن لطفه بعباده سبحانه وتعالى. Cheikh il continue en disant, malgré cette prédominance que vous pouvez voir des pays mécréants sur l'islam et les musulmans, eh bien cette prédominance tyrannique, oppressante, injuste, arrogante, n'a jamais pu faire disparaître l'identité de l'islam. Mais de plus, Allah fait qu'elle sert l'islam et les musulmans. Tandis que la troisième invocation, eh bien, vous allez voir que c'est l'invocation qui n'a pas été acceptée. Tandis que la troisième invocation, c'est l'invocation du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il ne nous confonde pas dans le sectarisme. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'inimitié entre nous et que l'on se prête secours les uns contre les autres. Ceci avec ceux-là et ceci contre ceux-là. Et ceux-ci qui détestent ceux-là. Eh bien, Allah ne l'a pas donné au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci pour une sagesse divine que nous ne connaissons pas. Nous nous devons donc de nous soumettre au jugement d'Allah et à sa prédestination, subhanahu wa ta'ala, avec satisfaction et agrément, rida, et certitude, yaqin, que cela fait partie de sa sagesse, de sa hikmah, et de sa science, de son ilm, et de sa douceur envers ses serviteurs, son lutf, subhanahu wa ta'ala. On a fini donc le sixième point du chapitre précédent, et on rentre dans un nouveau chapitre, qui fait toujours partie des sous-chapitres concernant quoi, le titre général qu'on a dit, l'arrestation du prophète alayhi salatu wassalam dans ses prières. Et ici, il y a un sous-chapitre qui est la prière nocturne, on l'a fini. Et maintenant, on rentre dans l'arrestation du prophète alayhi salatu wassalam dans Salat al-Witr. Et comme vous voyez pour les frères qui ont le livre, d'ailleurs, le titre, il a un nouveau numéro, c'est le numéro 7 ici, Salat al-Witr. D'accord ? يقول المؤلف رحمه الله تعالى وهو الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته كان عليه الصلاة والسلام يقرأ صلاة الوتر كان عليه الصلاة والسلام يقرأ في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد وكان يضيف إليها أحيانا قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ومرة قرأ في ركعة الوتر بمئة آية من النساء وأما الركعتان بعد الوتر فكان يقرأ فيهما إذا زلزلت الأرض وقل أيها الكافرون. L'auteur, quand il fasse mes écorts de ce cher l'Albani, rahimahullah, il dit, et c'est un nouveau chapitre, la prière de l'Witr. Le prophète, et ce qu'il faut comprendre évidemment, c'est quoi ici? Ce qui est sous-entendu, c'est l'arrestation du prophète alayhi salatu wassalam dans la prière du witr. Eh bien, le prophète alayhi salatu wassalam récitait dans la première raka'a, unité de prière, glorifie le nom de ton Seigneur, le Très-Haut. Et c'est la sourate numéro 87, et il y a 19 versets. Dans la deuxième raka'a, dis ô vous les infidèles, 109, et il y a 6 versets. Et dans la troisième, il récitait, dit il est Allah l'unique, c'est-à-dire sourate l'Ikhlas. 112, et il y a combien de versets? 4 versets. Parfois, il lui rajoutait, dit, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante. C'est-à-dire quoi, surat Al-Falaq? 113, et il y a 5 versets. Il dit, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. 114, et il y a 6 versets. Une fois, il a lu dans l'Araka'a del Witr 100 versets de la surat les femmes, An-Nisa. C'est la surat 4, et il y a 176 versets. Quant aux deux rak'at qu'il accomplissait après le witr, il récitait « Quand la terre tremblera » sourate 99, 99, et c'est 8 versets, et dit « Ô vous les infidèles !» Maintenant, l'explication de Cheikh Bezmoul, hafidhahullah ta'ala, de ce point-là, il dit, hafidhahullah, « Hada al-faslu fihi bayan ma kana yaqra'u alayhi salatu salam fi salat al-witr, wa fi rak'atayni ba'da al-witr, wa fi mas'alatun wahida, wa hiya » ثبت في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا أخرجه البخاري في كتاب الوتر باب ليجعل آخر صلاته وترا وأخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة الليل مثنى مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل فكيف يوفق بين هذا وبين الركعتين اللتين كان عليه الصلاة والسلام يصليهما بعد الوتر والجواب أن فعله عليه الصلاة والسلام دل على أن قوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا للاستحباب لا للوجوب. فليس المراد بالحديث ألا تكون هناك صلاة بعد صلاة الوتر، إنما المراد بالحديث أن يكون الوتر من صلاة الليل، يعني أن يحافظ المسلم على صلاة الوتر إذا صلى من الليل. هذا المراد بالحديث، وليس المراد به ألا تكون هناك صلاة بعد صلاة الوتر، صلاة بعد صلاة الوتر، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين خفيفتين. ويؤكد هذا ما جاء عن ثوبان قال: كنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: إن هذا السفر جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين فإن استيقظ وإلا كانت له. أخرجه الدارمي وابن خزيمة في صحيحه، وابن حبان كما في ثم ذكر أرقام الحديث، مجلد السادس صفحة 15 بعد 300 و il a dit regardez dans l'ihsan. L'ihsan c'est une des corrections d'Ibn Hibban. والحديث c'est-à-dire صحيح ابن حبان. والحديث أوراده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، وقال المحقق الإحسان إسناده قوي، فدل ذلك على أن المقصود من الأمر بجعل آخر صلاة الليل وترا ألا أكم سلام ألا يهمل الإطار بركعة، فلا ينافيه صلاة ركعتين بعده كما ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام وأمره، والله أعلم. وجدت خديق ce passage là et c'est donc l'explication du passage qu'on a cité de Cheikh Al-Albani rahimahullah fait par Cheikh Bezmoul. Il a dans ce chapitre la mise en évidence de ce que le prophète alayhi salatu wassalam récitait lors de la prière d'Al-Witr et lors des deux unités de prière après l'Witr. Il y a un point tiré de ce chapitre. Il a été rapporté de manière authentique dans un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wasallam qui l'a dit: faites que votre dernière prière nocturne soit quoi? Witr, c'est-à-dire impair. Et c'est rapporté par le Bukhari rahimahullah dans son sahih, livre d'Al-Witr, chapitre qu'il fasse que sa dernière prière nocturne soit impair. Et c'est le hadith numéro 998. Et c'est un hadith qui est rapporté également par Muslim, donc c'est un hadith qu'on appelle comment? Muttafaqun alayh. Livre dans son authentique, bien sûr, dans son sahih, livre de la prière des voyageurs et son raccourcissement. Chapitre de la prière nocturne, deux par deux. Et que le witr est une unité de prière à la fin de la nuit. Hadith numéro 751. Comment comprendre cela? Il y a des gens qui se posent déjà la question. Comment comprendre cela? En le groupant au fait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam priait deux unités de prière après le witr. Hein? Ben, la réponse elle est là. L'action du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam indique sa parole. Faites que votre dernière prière nocturne soit impair. Eh bien ça indique quoi? L'action du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, que c'est préférable, mustahab, et non pas quoi? Obligatoire. Pour les frères qui veulent plus de détails, eh bien, qui reviennent au livre de Cheikh Bezmoul qui s'appelle Bourghat al-Mutatawi' fi Hukmi Salat al-Tatawu', et c'est un livre qu'on avait traduit à l'époque quand j'avais une maison d'édition. Hein? Ça s'appelle comment encore en français? J'ai oublié le titre, le début du titre. L'aspiration du pieux à la prière surrogatoire, c'est ça, hein? Aux éditions Maktabat al-Hadith, c'est le seul livre d'ailleurs qu'on avait traduit en français. À la Kulli Hal. Pour les frères qui ne l'ont pas, je pense que j'ai encore quelques copies. Hein, ou qui demandent à Bourou Maïssa, qui, je pense qu'il y en a encore, quelques-unes. Tu as tout donné. Donc, est-ce qu'on a dit que c'est préférable et non pas quoi? Obligatoire. Hein? Le sens du hadith n'est donc pas qu'il n'y ait pas de prière après la prière du witr. Ce qui est compris dans ce hadith, c'est que le witr fasse partie de la prière nocturne, c'est-à-dire que le musulman préserve sa prière du witr lorsqu'il prie la nuit. C'est donc ce qui est entendu dans ce hadith. Et ce n'est pas qu'il n'y ait pas de prière après la prière du witr. Pour preuve de cela, eh bien c'est que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam priait après le witr, quoi? Deux unités de prière légères, rak'atayni khafifatayni. Et ceci est renforcé parce qu'il était rapporté par deux thawban, qu'il a dit, radiallahu anhu arda, nous étions avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en voyage. Et il dit, Ce voyage est certes un effort et une charge. Donc si l'un d'entre vous prie à l'ouïdr, qu'il prie deux unités de prière, s'il se réveille, eh bien, sinon, elles seront pour lui. Ça, c'est une traduction littérale du sens du hadith. Et pour les frères qui veulent le sens, eh bien, qu'ils retournent à l'explication du hadith. Chir, il a rapporté ici pour illustrer ce qu'il dit, comme quoi que, eh bien, les deux unités de prière, elles prouvent que quoi que, le fait de rendre, que c'est préférable, na'am. Et ce hadith est rapporté par Ad-Darimi, volume 1, page 374. Et les ulémas, ils appellent ça Sunan Darimi. Mais comme dit Cheikh Nasser et d'autres, ils disent que le vrai mot sous lequel il devrait être appelé, c'est Musnad Darimi. Pourquoi ? Parce que Sunan, c'est un livre de recueil de hadith, un recueil de hadith qui est classé selon les chapitres du fiqh. Hein ? Tandis qu'un Musnad, c'est classé selon les rapporteurs. Or, Musnad Darimi, ou si vous voulez Sunan Darimi, il est classé selon les rapporteurs. Donc il devrait plutôt s'appeler Musnad Ad-Darimi. Volume 1, page 374. Et Ibn Khuzaymah dans son Sahih, hadith numéro 1106. Et Ibn Hibban, volume 6, page 315, et fait évidemment référence à Sahih Ibn Hibban, avec son tahrir qui s'appelle Al-Ihsan. Et c'est le hadith numéro 2577. 2577. Le hadith a été rapporté par Cheikh Al-Albani dans son recueil de hadiths authentiques, Silsilat al-Hadith al-Sahiha, volume 4, page 646, et c'est le hadith dans Silsila, qui est en 11 volumes, Maktabat al-Ma'arif, numéro 1993. Le correcteur d'Al-Ihsan a dit au sujet de ce hadith, et sa chaîne de transmission est forte. Ceci indique donc, que ce qui est entendu par le fait de rendre la dernière prière nocturne impaire, eh bien, c'est de ne pas délaisser le witr par une unité de prière. Une unité de prière. Et si ceci n'entre pas en contradiction avec les deux unités de prière après le witr. Comme cela a été rapporté de manière authentique de messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans son ordre et son action. Pourquoi ? Parce qu'il a ordonné que la dernière prière de la prière nocturne soit quoi ? Un père. Et en même temps, lui-même, il a prié encore deux raka'a après cette prière-là. D'accord ? Évidemment, il n'y a pas de contradiction. Donc, le jam'a, c'est ça qu'on a dit ici. Ça va ? Et Allah est le plus savant, comme a dit Cheikh Mohamed ben Omar Bezmoul, hafidahullahu ta'ala. Wa qad bawwaba ibn Khuzaymah radiyallahu rahimahullah ala hadith Thawban hadha biqawlih. Bab dikr al-dalil ala anna salat. Et vous savez que le fiqh est dans le tarajum ici. Comme les ulama parlent dans le Sahih al-Bukhari, il dit que fiqh al-Bukhari fi tarajumihi. Vous allez voir ici que le titre du chapitre est très clair. Bab dikr al-dalil ala anna salata ba'da al-witri mubaha li jami'i man yuridu salata ba'da wa anna al-rak'atayn allatayn kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yusallihima ba'da al-witr لم يكون خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم دون أمته إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالركعتين بعد الوتر أمر ندب وفضيلة لا أمر إيجاب وفريضة انتهى كلام ابن خزيمة رحمه الله الإمام ابن خزيمة قال لي فاس ميزيريكورد a donné comme titre au chapitre concernant ce hadith de Thawban. Dans son sahih, il a dit « Chapitre de la citation, de la preuve, que la prière après le witr est autorisée. » Écoutez bien, « Autorisée mubaha à tous ceux qui veulent prier après le witr. » Et que les deux unités de prière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait après le witr n'étaient pas quoi ? Spécifiques au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de prier deux unités de prière après le witr. Un ordre d'obligation ? Non. C'est un ordre de quoi donc ? Ce qu'on appelle amr nadbin, en opposition par rapport au amr ijab. Parce que vous savez que des fois, dans la sharia, quand il y a un ordre qui est donné, la base c'est vrai que c'est l'obligation, mais ce n'est pas toujours l'obligation. D'accord ? Donc on a dit quoi ? Un ordre de recommandation et pas un ordre d'obligation. Fin de citation, et c'est volume 2, page 159 de Sahih Ibn Khuzaymah. Nouveau chapitre. صلاة الجمعة. كان عليه الصلاة والسلام يقرأ أحيانا في الركعة الأولى بسورة الجمعة وفي الأخرى إذا جاءك المنافقون وتارة يقرأ بدلها عفوا بدلها هل أتاك حديث الغاشية وأحيانا يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية هل أتاك. Nouveau chapitre, l'auteur qui est Cheikh Al-Albani rahimahullah, ou sous-chapitre si vous voulez, il dit qu'Allah lui fait ce miséricorde, la prière du vendredi. C'est-à-dire quoi? La récitation du prophète, alayhi salatu wasalam, lors de la prière du vendredi. C'est ça qu'il faut comprendre ici. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, récitait parfois dans la première raka'a, la sourate le vendredi, le jumu'ah. Sourate numéro 62, et il y a 11 versets. Et dans la seconde, quand les hypocrites viennent à toi. 63, et il y a 11 versets. De temps à autre, il récitait à la place, t'est-il parvenu le récit de l'enveloppante ? 88, 26 versets. Tantôt, il récitait dans la prière, dans la première raka'a, glorifie le nom de ton Seigneur, le Très-Haut, 87, et il y a 19 versets. Et dans la seconde raka'a, dans la seconde unité de prière, t'est-il parvenu ? Et c'est le rachia, bien sûr, 88, et il y a 26 versets. On rentre directement dans le sous-chapitre suivant et on va voir que Cheikh après va les expliquer tous ensemble, Inch'Allah. D'accord ? Salat al-Aidain. Kana, alayhi salatu wasalam, yaqra ou ahyanan fil oula, sabbih isma rabbika al-a'la, wa fil okhra. هل أتاك وأحيانا يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة. La prière des deux fêtes. Le prophète عليه الصلاة والسلام récitait parfois dans la première raka'a glorifie le nom de ton Seigneur le Très-Haut et dans l'autre t'est-il parvenu. D'autres fois il récitait قاف par le Coran glorieux, c'est 50, numéro 50, et il y a 45 versets. Et l'heure approche, 54, et il y a 55 versets. On a maintenant l'explication de Cheikh Bezmoul, hafidhahullah ta'ala, de ce passage-là. Il dit, « Qawluhu salatul Eid, ya'ni salatul Eid al-Fitr, ya'ni l'Eid alladhi yakunu ba'da Ramadan, fi awwali yawmin shawal, wal Eid alladhi yakunu fil adha, fil yawmi al-ashir min dhil hijjah. فهل الإسلام لا عيد لهم إلا عيد الأضحى وعيد الفطر وأما ما يصنعه الناس من جعل الأعياد عيد الأم وعيد الميلاد وعيد الشجرة وعيد العمل فهذا كله ليس له أصل في الشرع الأصل في الشرع أنه لا عيد في الإسلام إلا عيد الفطر وعيد الأضحى وما عدا ذلك فليس بعيد. L'explication de Cheikh Mezmoul de ce passage, la parole de l'auteur. La prière de la fête, c'est-à-dire la prière de la fête de la rupture du jeûne, Eid al-Fitr. C'est-à-dire la fête qui prend place après Ramadan, le premier jour de Shawwal. Ainsi que la fête lors du sacrifice qui prend place le dixième jour de Dhul-Hijjah. Les musulmans n'ont de fête que la fête de la rupture du jeûne et la fête du sacrifice. Tandis que ce que certains font lorsqu'ils prennent pour fête, la fête des mères, l'anniversaire, la fête de l'arbre, la fête du travail, tout cela n'a aucune base, aucun fondement dans la religion. La base en islam, c'est qu'il n'y a de fête que la fête de la rupture du jeûne et du sacrifice. Tout ce qui est en dehors de cela n'est pas une fête. D'accord ? Puis, Cheikh, il rentre dans Salat al-Janaza, qui est quoi ? La prière mortuaire. As-sunnatu an yaqra'a fiha bi fatihati al-kitab wa surah. La prière mortuaire, ou bien la prière funéraire si vous voulez, la sunna est d'y lire ou d'y réciter l'ouverture du livre, c'est-à-dire le Fatiha, et une surah. Et on va voir ce que ça veut dire après, Inch'Allah. Et d'y lire à voix basse, après la première التكبيرة après la première fois que lorsqu'on dit Allahu Akbar. Cheikh Mazmoul il explique ce passage en disant يعني يقرأ فيها سرا لا جهرا ولم يأتي دليل واضح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ دعاء الاستفتاح في أول صلاة الجنازة وعموم النصوص قد يشعر بمشروعية الدعاء عفوا قد عموم النصوص قد يشعر بمشروعية دعاء الاستفتاح ولكن لم نقف على دليل واضح صريح لمشروعية دعاء الاستفتاح في أول صلاة الجنازة والقراءة في صلاة الجنازة سواء كانت بالليل أو بالنهار تكون مخافة يعني لا تكون جهرية وإنما تكون هذه القراءة بعد التكبيرة الأولى. Donc Cheikh Mazmoul nous explique ce passage حفظه الله تعالى en lui disant deuxième point à voix basse, c'est-à-dire la à voix basse et pas à voix haute dans la prière mortuaire funéraire. Et il n'y a aucune preuve claire sur le fait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam récitait la vocation d'ouverture au début de la prière mortuaire. On pourrait sentir que la généralité des textes indique la législation de réciter la vocation d'ouverture. Mais nous n'avons pas trouvé de preuve claire, explicite, sur la législation de réciter la vocation d'ouverture au début de la prière nocturne. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On ne lit pas Dua al-Istiftah dans Salat al-Janaza. Et la prière mortuaire est à voix basse, que cela soit la nuit ou le jour, c'est-à-dire n'est pas à voix haute. Et cette récitation n'a lieu qu'après la première takbira, c'est-à-dire qu'on récite le Coran et une autre sourate qu'après la première takbira. Pour les frères qui veulent savoir plus en détail qu'est-ce qu'il faut faire dans les autres takbirat, bien qu'ils reviennent au livre de fiqh dans Salat al-Janaza. Et vous connaissez la sunna que Cheikh Al-Albani il a revivifié, ça va jusqu'à 9 takbirat, hein, Salat al-Janaza. D'accord ? Et si je me souviens bien, il avait mis ça dans son testament que lors de sa mort, de sa prière de Janaza, on revivifie cette sunna et compris donc avec 9 takbirat. Rahmatullah ta'ala. Vous voyez que même dans sa mort, il revit la sunna. Alayhi rahmatullah. Maintenant, pour les frères que Allah, à qui Allah a facilité d'écrire dans les durus, hein, qu'Allah les récompense et qu'Allah les facilite aux autres, eh bien, il y a un point ici qui va être très utile, c'est que Cheikh il va rapporter le résumé de Cheikh Al-Albani de tout ce qui a précédé. En 17 points, très très court, mais qui résume donc tous les points qu'on a vus dans les chapitres qui ont précédé. Et Cheikh Mazmoul dit, « حفظه الله تعالى » لخص المصنف ما تقدم في تلخيص صفات الصلاة بقوله. L'auteur qu'Allah lui fasse miséricorde, c'est Cheikh Al-Albani rahimahullah, a résumé ce qui a précédé dans son sommaire, sa version la plus concise de la description de la prière, en disant 1. أولا ثم يقرأ سورة الفاتحة بتمامها والبسملة وعفوا والبسملة منها وهي ركن لا تصح الصلاة إلا بها فيجب على الأعاجم حفظها. Premier point qu'on tire du résumé de tous les points qu'on a vus précédemment. Puis il récite la Fatiha complètement. Et la Besmala en fait partie. C'est quoi la Besmala qui s'est me rappelé ? Le fait de dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et la Fatiha est un pilier sans lequel la prière n'est pas valable. Il est donc obligatoire aux non-arabophones, l'A'ajim, de la mémoriser. Deuxième point. فمن لم يستطع أجزأه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. Deuxième point. Celui qui n'en est pas capable, c'est-à-dire quoi, de réciter le Fatiha, il lui suffit de dire ou de la mémoriser سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله Allahu Akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Troisième point. Wa sunnah fi qira'atiha an yaqta'aha ayatan ayatan. Yaqifu 'ala ra's kulli ayatin fa yaqul bismillahir rahmanir rahim. Thumma yaqif. Thumma yaqul alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma yaqif. Thumma yaqul arrahmanir rahim. Thumma yaqif. Thumma yaqul Maliki Yawmiddin. ثم يقف وهكذا إلى آخرها. وهكذا كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كلها، يقف على رؤوس الآي ولا يصلها بما بعدها وإن كانت متعلقة المعنى بها. Troisième point, la sunna est de la réciter la Fatiha, c'est ça que ça veut dire ici, le pronom Damir Ya'udu ila al-Fatiha, le pronom fait référence à la Fatiha, verset par verset, de s'arrêter à la fin de chaque verset. Et de dire, c'est de dire, Bismillahir Rahmanir Rahim, puis de s'arrêter. Puis de dire, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, puis de s'arrêter. Puis de dire, Ar-Rahmanir Rahim, puis de dire, Maliki Yawmiddin. On va voir qu'il est autorisé de dire aussi Maliki. Puis de s'arrêter et ainsi de suite jusqu'à la fin. Et de cette manière était toute l'arrestation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il s'arrêtait à la fin des versets. Et ne les joignait pas au verset suivant, et ce même s'ils étaient liés, les versets, par le sens. D'accord ? Quatrième point. Al-mas'alatu al-rabi'a. ويجوز قراءتها مالكي ومالكي. Il est autorisé de réciter des deux manières suivantes, مالكي et مالكي. Cinquième point. ويجب على المقتدي أن يقرأها وراء الإمام في السرية وفي الجهرية أيضا. إن لم يسمع قراءة الإمام أو سكت هذا بعد فراغه منها سكتة يتمكن فيها المقتدي من قراءتها وإن كنا نرى أن هذا السكوت لم يثبت في السنة. هذا على قول الشيخ ناصر رحمة الله عليه. Vous savez que الشيخ ناصر dit que tu lis pas derrière l'imam dans une récitation à voix haute. Vous connaissez son avis. On a déjà parlé de ça. On va pas rapporter. À la kulihal, c'est l'avis que je suis. On a dit quoi ? Cinquième point. Il est obligatoire à celui qui prie derrière l'imam de la réciter dans les prières à voix basse, c'est-à-dire le Fatiha, et dans les prières à voix haute également. Mais regardez la condition. S'il n'entend pas l'arrestation de l'imam, ou si l'imam se tait un moment après l'arrestation de le Fatiha. Alors il y a peut-être des frères qui vont se poser la question et diront, mais c'est pas partie de la sunna de se taire un moment pour laisser les gens prier derrière. C'est ce qu'il dit, cher, ici. Il dit, après la récitation d'Al-Fatiha, après que celui qui prie derrière lui puisse la réciter. Et ce même si nous voyons que le fait de se taire à ce moment-là, de rester silencieux, n'a pas été rapporté dans la sunna. Mais si l'imam il le fait, qu'est-ce que tu fais, toi ? Ben, tu profites pour réciter le Fatiha. Sixième point. ويسن أن يقرأ بعد الفاتحة سورة أخرى حتى في صلاة الجنازة أو بعض الآيات في أو بعض الآيات في الركعتين الأوليين. Sixième point, il fait partie de la sunna de réciter une autre sourate après la Fatiha, et ce même dans la prière mortuaire ou certains versets dans les deux premières unités de prière. C'est-à-dire qu'après tes deux premières unités de prière, dans les prières, eh bien, tu peux réciter des versets après surat al-Fatiha. On avait déjà parlé de ça, mais c'est un résumé là. Septième point. وَيُطِيلُ الْقِرَاءَةَ بَعْدَهَا أَحْيَانًا وَيُقْصِرُهَا أَحْيَانًا لِعَارِضِ صَفَرٍ أَوْ سُعَالٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ بُكَاءِ صَبِيٍ. Septième point. Il récite longuement après la Fatiha parfois, et parfois il raccourcit la lecture en raison d'un voyage, ou d'une toux, ou une maladie, ou des pleurs d'un enfant. Ça, on avait dit que ça fait partie de la rahma du prophète, et de la perfection de l'islam. Quoi qu'on dise, c'est les détracteurs de l'islam. Huitième point. وتختلف القراءة باختلاف الصلوات فالقراءة في صلاة الفجر أطول منها في سائر صلوات الخمس ثم الظهر ثم العصر والعشاء ثم المغرب غالبا. Huitième point. La récitation diffère en fonction des prières. La récitation lors de la prière de l'aube est plus longue que dans les autres quatre prières. Puis le dhuhr, puis l'asr et l'isha, puis l'maghrib dans la majorité des cas. Vous voyez à quoi, hein? Une échelle ici qui vous a donné le shir, c'est quoi? L'fajr, puis dhuhr et l'asr. Pardon. L'fajr, puis dhuhr, puis l'asr et l'isha, puis l'maghrib dans la majorité des cas. Neuvième point. تاسعا والقراءة في صلاة الليل أطول من ذلك كله. Pour ceux qui prient la nuit, la récitation de la prière nocturne est encore plus longue que tout cela. Et c'est évidemment pour celui qui Allah Azza wa Jalla, à qui il a facilité de prier la nuit, qu'Allah fasse que l'on soit parmi ceux qui délaissent leur couche la nuit pour prier. Dixième point. والسنة إطالة القراءة في الركعة الأولى أكثر من الثانية. Et la sunna est de réciter dans la première unité de prière plus longuement que dans la deuxième. المسألة الحادية عشر. وأن يجعل القراءة في الأخرين أقصر من الأوليين قدر النصف. De réciter dans les deux dernières unités de prière de moitié de la récitation dans les deux premières unités de prière. Douzième point. الثاني عشر. وتجب قراءة الفاتحة في كل ركعة. Il est obligatoire de réciter la Fatiha dans chaque quoi? Unité de prière, dans chaque raka'a. المسألة الثالثة عشر. ويسن الزيادة عليها في الركعتين الأخيرتين أيضاً أحياناً. Treizième point. Il fait partie de la sunna d'y rajouter dans les deux dernières unités de prière également, et ce de temps en temps. C'est-à-dire que tu lis en plus également, autre que la Fatiha, et ce de quoi? De temps en temps. Dans quelles unités de prière? Les deux dernières. 14. Rabi Achar. ولا تجوز إطالة الإمام للقراءة بأكثر مما جاء في السنة فإنه يشق بذلك على من قد يكون وراءه من رجل كبير في السن أو مريض أو امرأة لها رضيع أو ذي الحاجة. On avait vu que si quelqu'un fait ça, il faisait partie de la sunna de dire quoi? أفتان أنت؟ Hein? Quatorzième point, il n'est pas autorisé à l'imam d'allonger la récitation de plus que ce qui a été rapporté dans la sunna, car en faisant cela, il cause une difficulté. Hein? Pas rentrer dans un amr qui yashqu ala al-muslimin. Car en faisant cela, il cause une difficulté à ceux qui pourraient être derrière lui, parmi les personnes âgées, ou les malades, ou les femmes qui allaitent, ou ceux qui ont une affaire. Quinzième point. ويجهر بالقراءة في صلاة الصبح والجمعة عليكم السلام والعيدين والاستسقاء والكسوف والأوليين من صلاة المغرب والعشاء ويسر بها في صلاة الظهر والعصر وفي الثالثة من صلاة المغرب والأخرين من صلاة العشاء. Quinzième point. On arrive à la fin, inshallah. Il récite à voix haute dans la prière de l'aube et la prière du vendredi et des deux fêtes et de la demande de la pluie, ce qu'on appelle salat al-istisqa, et de l'éclipse, et dans les deux premières unités de prière, des prières d'al-maghrib et d'al-isha, et de réciter à voix basse dans les prières de quoi? Al-Dhuhr, Al-Asr, et dans la troisième unité de prière d'Al-Maghrib, et les deux dernières unités de prière de la prière d'Al-Isha. 16e point. ويجوز للإمام أن يسمعهم الآية أحيانا في الصلاة السرية. Et ça fait partie du fiqh de l'imam. Pourquoi on avait dit pour enseigner aux gens? 16e point, il est permis à l'imam de faire entendre un verset parfois dans les prières à voix basse. 17e point et dernier point, parmi les points qu'on a tirés du sommaire de la version la plus concise de la description du prophète alayhi salam de Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, wa amma al-witr wa salat al-layl fiyusr fiha taratan wa yajhar fiha taratan wa yatawassat fi raf'i as-sawt intaha kalam al-Sheikh Nasir rahimahullah ta'ala. 17e point, dernier point, en ce qui concerne le witr et la prière nocturne, il récite des fois à voix basse et des fois à voix haute, en élevant la voix lors de la récitation de manière comment ? Moyenne. Qui sait me citer un verset ? Et c'est fin de citation. « Man yu'tina dalila ala dhalik »« Un insan yatawassat fil qira al-jahriya » dans le Coran. والسؤال مفتوح لغير ناطقين باللغة الفرنسية كذلك. أعيد السؤال. يعني كيف ندون دليل القرآن sur le fait que la prière doit être pardon la récitation dans la à voix haute elle doit se faire de manière médiane ni trop haut أو من السنة. أنا أفتح سؤالا. أو من السنة. ونفيه قد رأينا ذلك. تفضل يعني يجوز الرواية بالمعنى السنة لا القرآن. فزي؟ نعم قال القرآن سنة سنة اشتديه السنة بالمعنى القرآن لا يمكن أن يتحدث المعنى. Exactement. Le prophète Azim, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit que la récitation devait être entre la récitation de Omar et de Abu Bakr radiallahu anhu al-jami'. Ok ? On se limite là-dessus aujourd'hui. Wa hafidhakumullah, sallallahu alayhi wa sallam. لنا ولكم التوفيق والسداد وبارك الله فيكم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.